Bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Il est 13h30 et voici Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Il y a plus de 400 ans que les Français sont arrivés au Québec. Les colons ont continué à exploiter une terre qui ne leur appartenait pas. Il y a plus de 200 ans que les Anglais ont défait les Français sur les plaines d'Abraham dans la ville de Québec. Nous n'avons pas vu de victimes. Les enjeux liés aux relations avec les Premières Nations n'intéressent personne au Canada. Cette semaine, politique et grandes étendues. C'est un pays de western un peu. Liberté et reconnaissance. Nous nous comparons toujours avec les États-Unis. Un continent méconnu. Le chef du Parti libéral du Canada, notre premier ministre. La fonction cinématographique est inscrite dans la loi canadienne. Il y a plus de 100 ans que le Canada est devenu un pays qui englobe le Québec. Le Canada ne chie pas sur le Québec. Alors, Obama, c'était super. Maintenant, Trump, c'est différent. Ça va pas être la même chose. Vive le Québec libre! Le mardi 7 avril 1868, au petit matin, dans une rue d'Ottawa, Thomas Darcy McGee, père de la Confédération et virulent opposant aux Fenians, des nationalistes irlandais qui ont choisi la violence pour lutter contre la présence britannique, est assassiné. Dans les 24 heures qui suivent le meurtre, les policiers sont convaincus de tenir le coupable. À la suite d'une dénonciation, ils font une descente dans la chambre d'hôtel de Patrick James Whelan. En fouillant les effets personnels de ce dernier, ils découvrent des copies d'un journal révolutionnaire irlando-américain, des cartes d'adhésion à des organisations irlando-canadiennes dont font partie de nombreux Fenians, et un pistolet, un Smith & Wesson, qui avait été de toute évidence déchargé la veille. Après l'avoir placé en garde à vue, les policiers découvrent rapidement d'autres preuves accablantes. Plusieurs témoins affirment sous serment que le suspect avait à plusieurs reprises parlé d'assassiner Thomas Darcy McGee, qu'il avait posé des gestes menaçants envers ce dernier à la Chambre des communes et qu'il l'avait suivi partout avant le meurtre. Quelques jours plus tard, un bûcheron du nom de Jean-Baptiste Lacroix déclare avoir vu Patrick Whelan tirer sur la victime. Peu de temps après, un enquêteur, Robin Wade, affirme avoir surpris une conversation entre Patrick Whelan et un groupe de conspirateurs qui complotaient pour tuer Thomas Darcy McGee. Pendant ce temps-là, un policier et un indicateur qui avaient intercepté les conversations du suspect dans sa cellule rapportent que Patrick Whelan s'est vanté d'être un grand homme parce qu'il avait tué Thomas Darcy McGee. Quand Patrick Whelan se présente à son procès en septembre, il semble bien que les preuves contre lui soient irréfutables. Le procureur en chef du procès est James O'Reilly, un Irlandais catholique qui exclut ses coreligionnaires du jury, alors que la défense est dirigée par John Hilliard Cameron, ancien grand maître de l'Ordre d'Orange, une société fraternelle politique et religieuse du Canada, et s'avère être l'un des meilleurs avocats du pays. John Hilliard Cameron commence point par point à révéler les failles de la poursuite. Il avance que l'adhésion de l'accusé Patrick Whelan à des organisations irlando-canadiennes et que les journaux qu'il choisit de lire n'ont aucun rapport avec l'affaire en question, ce dont convient le juge. L'avocat de la défense tente aussi d'attaquer la crédibilité d'un témoin clé qui avait fait état des menaces de l'accusé envers Thomas Darcy McGee. De plus, comme le fait remarquer l'avocat, nombreux sont ceux qui avaient proféré des menaces à l'encontre de la victime, n'en faisant pas pour autant des assassins. La défense est particulièrement brillante lors du contre-interrogatoire de Jean-Baptiste Lacroix, qui prétend avoir été témoin du meurtre. L'avocat, John Hilliard Cameron, démontre que ses descriptions de Patrick Whelan et de Thomas Darcy McGee sont erronées, qu'il a été incapable d'identifier l'accusé à la prison sans l'aide des autorités carcérales. Il semble alors évident que soit le témoin est désespérément incompétent, soit il ment pour toucher la récompense. Tout aussi peu convaincante est l'affirmation de Robin Wade, selon laquelle il aurait entendu Patrick Whelan comploter l'assassinat de Thomas Darcy McGee. Qu'un groupe de conspirateurs discute de ses plans devant un parfait inconnu paraît hautement improbable, ainsi que les prétendues vantardises de l'accusé en prison. Enfin, John Hilliard Cameron fait appel à un témoin pour s'attaquer à la question problématique de l'arme à feu. Ce témoin, une femme, déclare avoir accidentellement déchargé l'arme de Patrick Whelan quelques semaines avant l'assassinat et montre les brûlures de poudre sur son bras pour prouver ses dires. L'avocat de la défense saisit l'argument au vol et avance l'idée que c'est là la raison pour laquelle l'arme semble avoir été récemment déchargée. Les membres du jury délibèrent, puis décident d'écarter le témoignage de Jean-Baptiste Lacroix. Toutefois, les preuves médico-légales indiquant que l'arme de Patrick Whelan a été déchargée peu de temps avant le meurtre et les preuves circonstancielles établissant que l'accusé a menacé et suivi Thomas Darcy McGee se révélèrent décisives. Ainsi, le 15 septembre 1868, Patrick Whelan est déclaré coupable, condamné à mort. Jusqu'au tout dernier moment, Patrick Whelan va jurer de son innocence. Quelle est la part de vérité dans toute cette affaire ? D'une part, les autorités carcérales ont tenté d'accumuler les preuves contre lui, sans parler des quelques irrégularités de procédure du procès. D'autre part, les preuves circonstancielles contre Patrick Whelan étaient criantes, et ce, malgré les arguments de la défense. L'état de l'arme était bien celui d'une arme récemment déchargée. Des examens balistiques menés un siècle plus tard, en 1973, ont conclu que la balle mortelle retrouvée dans le cadre de la porte de la résidence de Thomas Darcy McGee était compatible avec l'arme et les balles que Patrick Whelan possédait. Bien que ce dernier a nié avoir été un homme de main dans l'affaire, il a cependant déclaré, peu de temps avant son exécution, connaître l'identité du meurtrier. Il a aussi affirmé que celui-ci était présent au moment de l'assassinat de Thomas Darcy McGee, ce qui l'aurait rendu tout de même coupable de complicité. Selon toute probabilité, Patrick Whelan a soit tiré sur Thomas Darcy McGee, soit il faisait partie d'une équipe de tireurs. Ainsi, encore aujourd'hui, il est toujours impossible d'affirmer, hors de tout doute raisonnable, qu'il a été celui qui a bel et bien appuyé sur la gâchette. Un peu plus d'un siècle plus tard, 102 ans exactement, d'autres tragiques événements se déroulent au Québec. Il s'agit toujours de meurtres politiques, mais cette fois-ci, c'est celui du ministre du Travail, Pierre Laporte, enlevé puis assassiné. Cette mort intervient dans un contexte particulièrement tumultueux dont il est question dans un documentaire de l'Office national du film du Canada. Montréal, octobre 1970. Il y a plus de 400 ans que les Français sont arrivés au Québec. Il y a plus de 200 ans que les Anglais ont défait les Français sur les plaines d'Abraham dans la ville de Québec. Il y a plus de 100 ans que le Canada est devenu un pays qui englobe le Québec. Mais le peuple francophone du Québec a entretenu avec ténacité la culture française. N'oublions jamais que le Québec pourrait un jour devenir un État francophone, séparé et libre de toute domination extérieure. Et personne n'a été plus tenace ni plus solidement implanté au Québec que l'Église catholique. L'Église combattait l'assimilation, tout en travaillant avec les Anglais, et elle appuyait des hommes politiques québécois tels que le premier ministre Duplessis. Duplessis était un esprit autoritaire, un défenseur du statu quo, un nationaliste québécois. Il était aussi un ami inconditionnel de l'industrie privée qui vendait les ressources naturelles du Québec aux intérêts étrangers. Les affaires prospéraient en anglais. Les Québécois francophones demeuraient un peuple d'agriculteurs, pauvres et soumis. Mais au cours des années 40 et 50, les travailleurs exploités du Québec commencèrent à réclamer le droit fondamental de faire la grève. Ils reçurent l'appui de certains intellectuels comme Pierre-Éliott Trudeau et d'organisateurs syndicaux tels que Michel Chartrand. Le Québec avait connu une industrialisation rapide au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il assistait maintenant à la naissance subite du syndicalisme. À Murdochville, les manifestants furent attaqués du haut des collines par des briseurs de grève engagés pour les intimider. Ces premières luttes suscitèrent un mouvement de sympathie à travers tout le Québec, ainsi qu'au Canada anglais qui avait connu de semblables affrontements sanglants au cours des années 20. C'était le commencement d'un véritable bouleversement social. Les Québécois sentirent que le changement était à portée de leurs mains. La mort de Duplessis en 1959 ébranla les pouvoirs établis et ouvrit la voie à la révolution tranquille. Sous le régime du premier ministre libéral Jean Lesage, le Québec vécut une flambée d'enthousiasme et prit sa place au sein de l'Amérique du Nord moderne. Les forces traditionnelles cédaient vivement le pas au progrès du XXe siècle. L'éducation, l'industrie, les sciences, les arts et le climat social tout entier s'agitaient au Québec, secouant le vieux manteau d'un isolement séculaire. Encouragés par un certain René Lévesque, les libéraux québécois décidèrent qu'il était temps pour le Québec de contrôler ses propres ressources. La deuxième course électorale de Lesage fut centrée sur la nationalisation de l'électricité. Il l'emporta aisément et l'Hydro-Québec prit le contrôle de tout le réseau hydroélectrique. Au même moment, le Canada devient la cible du Québec. On critique les dépenses que le gouvernement fédéral fait des impôts québécois. On s'élève contre le fait qu'un hôtel de Montréal qui appartient au gouvernement prenne le nom de la reine. On conteste l'ingérence du fédéral dans les communications au Québec. C'est le début de la présente vague de séparatisme. Plus de 80% des Québécois parlent le français. Et les séparatistes veulent que le Québec devienne une nation francophone indépendante. Ils croient que même sous un vernis français, ce sont les Anglais qui possèdent l'argent, le pouvoir et la puissance. Un groupe de fédéralistes québécois s'oppose aux séparatistes. Ils ont aussi combattu pour le Québec longtemps et avec ardeur. Pierre Elliott Trudeau et ses confrères croient en un Québec fort et progressif au sein de la Confédération canadienne. Ils avaient participé, comme les séparatistes, à la lutte contre Duplessis. Mais maintenant, leurs actes et leurs écrits déclenchent un affrontement avec les séparatistes. Le président Gordon des chemins de fer du Canadien national avait déclaré que trop peu de Canadiens français avaient assez de compétences pour devenir des cadres supérieurs. Sa déclaration mit en colère la population francophone qui, depuis des siècles, voyait les meilleurs postes toujours confiés à des Anglais. Les manifestants font clairement savoir au Canada que le Québec n'acceptera plus jamais une telle discrimination. En 1963, des extrémistes ont recours à la violence. C'est la naissance du FLQ, le Front de libération du Québec. Le revenu national, les chemins de fer du Canadien national, l'aviation royale du Canada, le monument à la reine Victoria, la Dominion Textile, l'université McGill, la Banque de Montréal et d'autres endroits furent dynamités. En 7 ans, 6 personnes trouvèrent la mort. En 1964, la reine visita le Canada. Elle fut bien accueillie par les Canadiens anglais comme faisant partie de leur héritage culturel. Mais, aux yeux de beaucoup de Canadiens français, elle était le symbole de la domination britannique. Se rendant compte encore une fois qu'au Canada, les droits et traditions des Anglais étaient mieux protégés que ceux des Français, c'est une foule enragée et prête à tout qui descendit dans la rue. Mais c'est seulement le lendemain matin que la manifestation s'envenima. Les séparatistes affrontèrent les policiers en ce jour qu'on appelle depuis le samedi de la matraque. L'année suivante, en 1965, la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme déclara que le Canada traversait la crise la plus grave de son histoire sans même le savoir. Je suis tout à fait convaincu que le séparatisme va disparaître. Si on ne le comprend pas à temps, je ne peux pas dire ce qui va se produire. Mais le premier ministre Pearson savait depuis longtemps que le séparatisme était le signe d'une crise profonde. Et c'est dans le but de protéger l'unité canadienne qu'il persuada 3 des plus importants leaders québécois de joindre les rangs du Parti libéral fédéral. À l'opposé, on retrouve les séparatistes Charles Gagnon et Pierre Vallière, les théoriciens du mouvement felkiste. Recherchés par la police canadienne, ils allèrent manifester à New York, devant les Nations Unies, dans le but de faire connaître leur cause au monde entier. Ils sont tout de suite arrêtés par les Américains et rapatriés illégalement au Canada. Il leur faudra plus de 3 ans pour obtenir d'être relâchés sous cautionnement. En 1966, le parti séparatiste RIN tente sa chance aux élections. Pierre Bourgault est à la tête du parti. De façon inattendue, le vote conservateur marque la fin de la Révolution tranquille en réélisant le vieux parti de Duplessis, l'Union nationale, dirigé maintenant par Daniel Johnson. Les séparatistes récoltent 10% du vote. L'année suivante, le Québec marque de façon grandiose le centenaire de la Confédération canadienne. Pourtant, certains invités se montrent difficiles à contenir. Charles de Gaulle, contrairement à la reine, soulève l'enthousiasme des Québécois. Mais il met le feu aux poudres en comparant son voyage au Québec à la libération de la France. L'encouragement qu'il donne au séparatisme du haut du balcon de l'hôtel de ville de Montréal le forcera à abréger sa visite. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Mais dans le Canada, le séparatisme prend rapidement l'aspect d'un mouvement politique responsable. Ce mouvement s'étend même à l'Assemblée nationale du Québec, où un membre influent du Parti libéral provincial, René Lévesque, publie un manifeste réclamant des privilèges spéciaux pour le Québec. Il sème la consternation parmi ses collègues libéraux. Notre position à nous! Les libéraux laissent tomber Lévesque, qui fonde son propre mouvement indépendantiste. Mais c'est au fédéral que l'élection suivante aura lieu, et Trudeau a déjà succédé au premier ministre Pearson. Trudeau prône l'unité nationale, il veut mettre fin au séparatisme. Il y a des gens qui craignent le mot confrontation, qui croient obtenir plus en cédant aux extrémistes. Je ne crois pas à cela. La veille de l'élection de 68, Trudeau vient à Montréal pour participer aux célébrations de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Pierre Bourgault et plusieurs autres séparatistes présents croient que Trudeau a trahi le Québec. Bientôt, des bouteilles lancées vers Trudeau atteignent les spectateurs dans la foule. Le tir des manifestants se précise. Et la police charge aveuglément dans la foule. Grâce à la télévision, des millions d'électeurs voient l'irritation de Trudeau qui refuse de se laisser chasser par les séparatistes. La bataille fait rage à ses pieds entre policiers et manifestants, tandis que le défilé continue comme si de rien n'était. À travers tout le pays, les Canadiens sont attristés par cette bataille de Québécois contre des Québécois. Et le lendemain, avec l'appui conjugué des Français et des Anglais, Trudeau remporte facilement l'élection à la faveur de la vague de la Trudeau-manie. Le Canada anglais fait bien sentir à Trudeau qu'il attend de lui qu'il brise la vague séparatiste. Mais les partisans de Lévesque et de Bourgault s'unissent, s'abordant pour toujours le bruyant aérien en faveur du nouveau parti indépendantiste plus grand et plus modéré, le Parti québécois. En tant que ministre libéral, Lévesque avait démontré qu'il pouvait diriger le Québec. Maintenant, indépendantiste et socialiste, il est élu chef du nouveau parti. Pour la première fois, le séparatisme devient une solution de rechange valable face au parti traditionnel. De plus en plus, sur le front syndical, indépendantisme et lutte syndicale sont associés. Bientôt, les policiers eux-mêmes sont en grève. Durant le jour, les rues de Montréal restent calmes, alors que les policiers se rassemblent à l'aréna Paul Sauvé. À l'instar des autres travailleurs québécois, les policiers réclament la parité de salaire avec leurs confrères anglais de l'Ontario. Ensuite, ce sont les travailleurs des postes qui dénoncent la façon dont le gouvernement fédéral traite les conducteurs de camions de la compagnie La Palme. Ceux-ci restent à Ottawa jour après jour, témoignage constant auprès du Parlement que tout ne tourne pas rond chez les travailleurs québécois. Mais il y a un autre problème, la survivance de la langue et de la culture française au Québec. Cette question soulève l'appui de beaucoup de gens qui ne sont même pas indépendantistes. Les Canadiens français soutiennent que si on permet aux immigrants de parler l'anglais, la langue et la culture française vont se noyer dans l'océan anglophone de l'Amérique du Nord. Les immigrants insistent pour obtenir le droit à la langue de leur choix. Beaucoup de gens, sans être révolutionnaires, appuient ces mouvements, car les droits de la minorité anglophone au Québec ont toujours été bien mieux protégés que ceux des Français ailleurs au Canada. 1970, une élection provinciale capitale se dessine. Pour la première fois, les indépendantistes voient l'occasion de prendre le pouvoir. Inquiets, les libéraux fédéraux se précipitent à l'aide de leurs confrères du Québec. Dans la province de Québec, mesdames et messieurs, Pierre Laporte et les deux autres candidats au leadership libéral croient que le Québec devrait demeurer au sein de la Confédération canadienne. Le plus expérimenté des trois hommes, Pierre Laporte, soutient que l'indépendance mènerait au désastre économique. En juin, on dynamita le ministère de la Défense. On s'attendait à d'autres représailles terroristes du FLQ, mais il ne se produisit rien avant le lundi 5 octobre. L'attaché commercial du Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne à Montréal, James Richard Cross, aurait été enlevé il y a quelques instants de sa demeure par quatre hommes armés qu'on croit être des terroristes du FLQ. Il semble que les hommes se soient présentés à la résidence en voiture taxi, prétendant vouloir offrir un cadeau à M. Cross. Ce cadeau était en fait une mitraillette et les hommes sont entrés de force dans la maison. M. Cross a été contraint de monter dans la voiture qui est partie aussitôt. On effectue en ce moment des recherches policières intensives en vue de retrouver la victime de cet enlèvement. Et ses ravisseurs. Nous avons reçu de ceux qui ont enlevé M. Cross, l'attaché commercial du gouvernement du Royaume-Uni, un communiqué mettant les autorités en demeure de se conformer dans les 48 heures aux exigences suivantes. With a certain number of demands within 48 hours, which are to refrain from any police action, suspendre toute action policière, to publish in its entirety, publier intégralement un manifeste du FLQ, the FLQ movement, libérer un certain nombre de prétendus prisonniers politiques et mettre ces prisonniers politiques dans un avion en direction de Cuba ou de l'Algérie. Clearly. Ces exigences sont évidemment tout à fait déraisonnables, et ceux qui les ont posées ne pouvaient s'attendre à ce qu'on les accepte. Il serait superflu de dire qu'elles ne seront pas satisfaites. Le gouvernement et la cellule Libération du FLQ se disputent les heures d'antenne à la radio et à la télévision, dans un débat tragique sur la vie de James Richard Cross. Le nombre des communiqués provenant des ravisseurs provoque un afflux de messages télévisés de la part des autorités. Il s'agit d'une personne innocente qui n'a aucune responsabilité que ce soit dans nos problèmes internes et que l'on détient comme otage. C'est la pire forme de chantage qui existe. Cet échange continue et les délais sont dépassés les uns après les autres. Les gouvernements sont prêts à envisager tous les moyens possibles de sortir de cette impasse. On reçoit la preuve que Cross est toujours vivant. Je demande instamment à ceux qui détiennent M. Cross de laisser leurs sentiments humanitaires prendre le dessus sur leurs aspirations politiques, aussi mal dirigées qu'elles soient. Il est 17h50, samedi soir, nous sommes le 10 octobre 1970. Le ministre de la Justice du Québec vient d'annoncer que les autorités en place ne peuvent se plier aux exigences des ravisseurs de James Richard Cross. Le Front de Libération du Québec a fixé à 18h précises l'exécution du diplomate britannique si l'on n'accepte pas à ces conditions. On laisse la vie à M. Cross, mais à 18h18, les terroristes donnent leur réponse. Pierre Laporte, le ministre du Travail et de l'Immigration, est enlevé devant sa demeure au 725 rue Robitaille à Saint-Lambert. Aussitôt, c'est la ruée des forces de l'ordre, des médias, du simple public dans la paisible et bourgeoise rue. La Sûreté du Québec prend immédiatement les rênes des mains de la police de Saint-Lambert. Parents et amis affluent chez les Laporte. Journalistes, reporters, photographes, caméramans, badauds couvrent rapidement le terrain de la résidence. Pourvu que tout le monde s'éloigne un peu, on finit par admettre dans le domicile un représentant des médias, un seul, celui du journal La Presse, délégué par ses collègues. Il entre dans le vaste bungalow. C'est une atmosphère de salon funéraire. Le journaliste est conduit auprès du chargé de l'enquête, l'inspecteur Paul Benoît. Voici les faits. Pierre Laporte et son épouse s'apprêtaient à aller souper au dehors. Monsieur Laporte sort le premier, descend du trottoir et son neveu, Claude, 17 ans, qui jouait dans la rue, lui lance un ballon de football. Une Chevrolet 68 bleu foncé, dans laquelle se trouvent 4, peut-être 5 hommes, est plantée au milieu de l'intersection de deux rues voisines. Subitement, deux individus masqués, l'un armé d'une mitraillette, en descendent et en un tour de main, force M. Laporte à monter dans l'auto qui démarre en trombe. Un voisin sidéré a la présence d'esprit de noter l'immatriculation 9J2420. Un des policiers qui mène l'enquête confie au journaliste, après qu'on eut complète l'interrogatoire des témoins, qu'on possédait un fort bon signalement de certains des ravisseurs. Ceux-ci se seraient arrêtés à une station de service voisine quelques minutes avant le rapt pour demander où, au juste, se trouvait la résidence de M. Laporte. Un pompiste a été considérablement ébahi de voir certains des occupants de l'auto portant des mitraillettes en bandoulière, mais lui a fallu trop de temps pour reprendre ses sens. 3 décembre 1970. Ce soir, la libération de M. James Cross, le diplomate britannique enlevé depuis 8 semaines maintenant par le Fonds de libération du Québec, serait en effet imminent, Éric Couder. De vastes opérations de police sont déclenchées depuis ce matin à Montréal, où le diplomate britannique serait séquestré dans une maison du quartier nord de la ville. L'armée et la police bouclent tout un pâté de maisons dont les habitants ont été évacués. La seconde opération a lieu dans l'île Sainte-Hélène, isolée maintenant de Montréal. C'est dans cette île que pourrait avoir lieu un échange après une éventuelle négociation entre les ravisseurs et les autorités. En tout cas, Henri-Pierre Fortier, ce n'est pas aujourd'hui que les policiers ont trouvé la piste des ravisseurs. Il semble que depuis que temps la police et l'armée avaient effectivement repéré la maison de la détention qui depuis 18 heures était privée d'eau et d'électricité. L'enquête harassante, décevante, avait alors pris fin. De fait, ce matin, tôt, M. Trudeau, Premier ministre du Canada, annonçait brièvement que d'importants développements étaient à prévoir et hier soir, des membres de la police montée, la gendarmerie royale canadienne, surveillaient plus attentivement que de coutume l'aéroport de Montréal, je les y ai vus. Il semble aussi que 2 arrestations effectuées hier en plein centre de la ville aient été décisives et que, conscients de la totale inutilité de leurs aptitudes, harassés aussi par 8 semaines d'attente, les nerfs brisés, les ravisseurs écraqués, ce seraient eux qui auraient téléphoné au ministre de la Justice du Québec, Maître Choquette, pour lui faire connaître leur décision. En tout cas, la négociation entre les avocats du gouvernement et ceux du FLQ aurait commencé. Les autorités maintiennent leur offre d'un sauf-conduit pour Cuba aux auteurs du rapt, donc la libération de M. Cross pourrait intervenir dans les heures qui suivent. 8 décembre 1970, le consul britannique au Canada, James Cross, enfin libéré, donne une conférence de presse à Londres. La nuit la plus difficile, c'était la nuit de la... Je ne peux pas dire la mort de Pierre Laporte, mais la nuit quand son corps était découvert et quand... Et la radio, la télévision a dit que j'étais mort et que la police était en train de retrouver mon corps. Et j'ai connu que peut-être ma femme regardait la télévision et c'était pour moi le temps le plus difficile et le plus terrible. Quelles ont été pendant ces 60 jours vos relations avec le FLQ? Pendant les premières 2 semaines, les relations étaient correctes, pas amicables, mais correctes. Est-ce que vos ravisseurs étaient liés avec les assassins du ministre Laporte? Est-ce qu'ils étaient au courant de la mort de Laporte? Est-ce qu'il s'agissait des mêmes? Je crois, je ne peux pas dire ça, mais quand nous avons regardé la mort, la télévision, il me semble qu'il n'était pas une sorte de surprise. Dimanche, vous avez rendez-vous avec le Canada politique au présent, avec le nouveau documentaire d'Histoire vivante consacré à Justin Trudeau. Le Canada ne chie pas sur le Québec. Et réalisé par André Caillat. J'écoute mes amis qui croient au Québec séparé, puis j'écoute mon père qui croit au fédéral, puis je fais mes propres opinions, puis non, c'est vraiment ça. Cet épisode était mis en onde par Jérôme Nuspo. Histoire vivante,